Alors, mon pauvre lave-vaisselle, comme ça, tu nous quittes ? Eh ouais, mon frigo sûr, c'est la fin, je suis plus étanche, je lave plus une assiette. Oh, tu vas connaître les joies du recyclage ! Ouais, j'ai peur de ouf, ça fait mal ça, tu penses ? Mais non, regarde-moi, j'en suis à ma deuxième vie et ça m'a fait ni chaud ni froid. Ah ouais, ni chaud ni froid, j'ai compris. Ne jetez pas vos appareils hors d'usage. Tout ce qui fonctionne sur secteur, pile ou batterie, se recycle en magasin et déchetterie. Trouvez votre point de collecte sur écosystème.eco. Écosystème, recycler, c'est protéger. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Conscription, désertion, mobilisation. Soudain, une affiche sur les murs des villes et des villages. Par décret du président de la République, la mobilisation des armées de terre, de mer et de l'air est ordonnée, ainsi que la réquisition des animaux, voitures, moyens d'attelage, aéronefs, véhicules, automobiles, navires, embarcations, engins de manutention et tous les moyens nécessaires pour suppléer à l'insuffisance des moyens ordinaires d'approvisionnement de ces armées. Les gens vivent leur vie tranquille, à l'usine, dans les champs, et soudain, la guerre éclate. Disons qu'ils sont préparés. Dans notre histoire, il y avait la conscription. Si les soldats sont maintenant au lait, les conscrits de Villefranche-sur-Saône en restent au Beaujolais. Mais leur démarche chaloupée n'est que la conséquence d'une tradition. En effet, une coutume ancestrale veut que les conscrits, ici, défilent selon le rythme et la forme de la vague, suivis de leurs devanciers les décennales antérieures. Et l'on en aura vu cette année quelques-uns dont la première vague remontait à 1905 et qui sont prêts à redevenir conscrits. Qu'ils disent ! Les conscrits présentés en 1955 dans les actualités françaises. Bonjour Odile Roinette, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne. Ces conscrits font partie de notre patrimoine, de notre imaginaire. Oui, ils faisaient partie avant C'est vrai, vous avez raison de le dire, je suis un des derniers. Avant que la conscription ne soit suspendue, mais ça nous en reparlerons en effet. C'est un univers de constitution en fait très ancien, d'une classe d'âge, hein, ces jeunes gens de 20 ans qui dans les villages s'apprêtaient à partir et qui formaient une communauté qui était liée à la jeunesse. Donc c'est tout un folklore qui s'est peu à peu constitué à partir du début du 19e siècle. Pour encadrer cette jeunesse qui était appelée à rejoindre les drapeaux, ou qui risquait plus exactement de rejoindre les drapeaux. C'est un temps de l'histoire militaire, de la longue histoire militaire. La conscription, nous l'entendons bien, c'est pas un temps si long à l'échelle des siècles. Hein. C'est on va dire fin 18e siècle qui nous conduit jusqu'à ce qu'elle disparaisse, et c'est très récemment la disparition. Oui, c'est deux siècles, mais en même temps, l'enracinement, si vous voulez, du fait militaire et l'enracinement surtout de l'obligation militaire est bien antérieur, puisque c'est dès la constitution des armées permanentes, dès la fin du XVIIe siècle en réalité, via la milice et via, alors pas seulement en France d'ailleurs, hein, dans un certain nombre d'autres pays européens, que se constitue progressivement, au fond, un embryon d'armée permanente. Et donc, à partir de là, ce lien, finalement, entre une nation, son armée, se constitue. On sent tout de suite hein, l'historienne avec le recul nécessaire sur un phénomène. Je regarde un petit peu avant et surtout la comparaison avec ce qui se passe ailleurs. C'est très important de le faire. Bonjour Annie Crépin. Bonjour. Ben oui, c'est ça. Hein, l'idée que des hommes, et principalement des hommes dans cette histoire-là, doivent défendre alors leur pays, même avant l'idée de patrie ou de nation, c'est quelque chose que l'on trouve déjà dans l'Ancien Régime. C'est cette milice, c'est quoi cette chose-là en fait ? Alors, la milice a été créée par Louvois en 1688. Il s'agissait de tirer au sort, dans chaque paroisse, un homme parmi les célibataire et veuf sans enfant, de 18 à 40 ans, pour faire partie d'une milice qui ne combattait pas, en principe, elle remplaçait, quand il y avait la guerre, elle remplaçait l'armée permanente qui était sur les champs de bataille, dans les forteresses, dans les places fortes. C'était donc une force de sécurité intérieure. Cela dit, elle a très mal marché. Alors, pas toujours. Au moment de la guerre de succession d'Espagne, où le territoire français est menacé, où il y a déjà un sursaut national qui annonce les temps de la Révolution, elle marche. Et en même temps, d'ailleurs, les miliciens sont versés dans les unités combattantes. Et puis ensuite, pendant tout le XVIIIe siècle, bien qu'on essaie de la réformer, ça ne marche plus du tout parce qu'elle est devenue très injuste, très inégalitaire, puisque les membres des ordres privilégiés sont dispensés de la milice, mais aussi parmi le tiers-état, les gens qui habitent les villes sont dispensés de la milice. Les domestiques des ordres privilégiés, nobles et prêtres, sont dispensés de la milice. Donc ça devient un système parfaitement injuste, qui d'ailleurs ne marche plus, je dirais, ou n'existe plus que sur le papier, mais qui est suffisamment détesté pour que dans les cahiers de doléances, sa suppression est quasiment unanimement demandée. Voilà, bah, toujours l'historienne, hein, au moment de réfléchir à cette question de la conscription. L'injustice, c'est antérieur à ce que nous imaginons souvent avec le service militaire. Oh là là, c'était injuste. Et puis, surtout, la naissance de ce sentiment, alors, proto-patriotique ou patriotique, pourquoi pas, c'est antérieur à la Révolution française. Cette milice ne fonctionnait pas, mais au moment où la guerre éclate, c'est vrai que, ben, pour ces hommes, des paysans, des artisans, d'un seul coup, ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire que, alors, peut-être, c'était pas les combats. On n'allait pas aller avec des armes jusqu'à l'ennemi. Mais enfin, ça changeait la vie. Il fallait aller dans les forteresses. C'était, dès lors, une rupture dans la vie du quotidien. Il y a une ferme à entretenir. Comment ça se passait? Ils se déplaçaient beaucoup? C'était un vrai chambardement? Ou sur le papier, au moins? Alors, pendant la guerre de succession d'Espagne, là, y a effectivement une rupture. En temps de paix, ils ne se déplaçaient pas, sauf quelques jours par an pour être entraînés. Mais à la fin, c'est sur le papier. Et ce qu'il faut souligner, c'est que ce système est détesté parce que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, que ce soit d'ailleurs parmi les élites, les hommes politiques qui vont être les dirigeants de la Révolution, que parmi le peuple, il y a une très grande ignorance et même une certaine répulsion envers le fait qu'un homme qui n'est pas un professionnel de la guerre, qui n'est pas un soldat de métier, ait les armes à la main, surtout en temps de paix. Ça paraît totalement archaïque. Tous les cahiers de doléances le disent. Et au départ, les dirigeants de la Révolution ne veulent absolument pas lever des civils pour un temps, pour le temps de la guerre. En revanche, ils veulent profondément réformer l'armée de métier, la rendre conforme aux principes de la cité nouvelle, c'est-à-dire l'égalité devant l'avancement, devant l'accès au grade. Mais c'est vraiment la conjoncture historique, la nécessité, qui a fait que on a basculé d'une armée de métier réformée à une armée qui est devenue en 1798 une armée de conscription. Ouais, c'est cette histoire qui est intéressante parce que la guerre de sécession d'Espagne, c'est vraiment le tout début du XVIIIe siècle, c'est les 10 premières années. Oui, c'est 1701-1713, la succession d'Espagne, parce que Louis XIV veut placer son petit-fils sur le trône d'Espagne et que, bien sûr, d'autres pays d'Europe sont très inquiets. Voilà, mais par effet générationnel, en 1789, au moment où éclate la Révolution française, cela n'est plus que dans les mémoires et des mémoires très lointaines. Que se passe-t-il sous la Révolution? Odile Roinette, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette histoire de l'engagement des hommes qui sont là et qui n'ont pas fait le choix de devenir soldats? Alors c'est le problème aussi que pose la milice en réalité, hein, puisqu'on y revient. Il y a aussi, je crois, bien avant la Révolution française, une profonde distance à l'égard et une répugnance véritablement à l'égard du service militaire et de cet enracinement au fond de l'image du soldat comme celui de comme un paria, comme un marginal. Et comme quelqu'un qui ne doit pas auquel on ne doit pas ressembler. Donc la question de la milice, elle se poursuit puisque les révolutionnaires l'abolissent en 1790. Elle est extrêmement impopulaire. Souvent, elle fonctionne aussi par recrutement forcé. Enfin, il y a vraiment donc et surtout ça constitue une rupture complète avec l'existence de ces hommes qui effectivement travaillent, sont en quelque sorte les piliers d'une vie salariale, d'une communauté de travail, et donc le départ constitue une rupture considérable. Et en fait, c'est avec la guerre, avec le surgissement de la guerre en 1792, avril 1792, que véritablement commence à se poser de manière cruciale le recrutement massif d'hommes, d'où les dispositifs qui vont être d'abord l'appel aux volontaires. Donc dans cet élan de patriotisme, évidemment, puisque la Révolution française va développer considérablement ce discours sur de promotion du soldat citoyen avant même la conscription, donc et surtout cette participation au fond à l'effort de guerre qui est un effort pour sauver la Révolution. Puisqu'elle est menacée par la coalition et par les coalitions. Donc il y a véritablement un lien très fort qui se noue à ce moment-là entre une expérience militaire et une dimension politique, au fond, qui est celle de la Révolution française, d'où d'ailleurs la promotion des symboles. Je m'intéresse beaucoup aux drapeaux, aux couleurs, cette promotion des trois couleurs, ce bleu, blanc, rouge qui se diffuse dans ces armées qui sont avant même l'instauration de la République. Et puis ensuite, on a évidemment ce grand mouvement des levées en masse. Plusieurs fois, 300 000 hommes qui sont requis, et là par le biais de la contrainte. Donc là on rentre dans un autre système, mais qui va préfigurer évidemment l'établissement de la conscription en 1798. Des hommes, des couleurs, des chansons. La victoire en chantant nous ouvre la barrière. L'heure des combats, troublés ennemis de la France, rois ivres de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, tyrans descendus au cercueil. La République nous appelle, ça s'en vainque ou ça s'en mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Le chant du départ en 1794, avec des paroles de Marie-Joseph Chénier et la musique de Méhul, c'est un tube, disons-le, de ce mouvement patriotique, Annie Crépin. Ici, le soldat qui part et qui est emporté, on sent, par le souffle de l'histoire, disons-le, et la volonté de défendre le pays et la République, mais est très très loin de ce que nous évoquions, c'est-à-dire ce soldat d'ancien régime qui faisait un peu peur. Enfin, la figure du soldat était une figure très particulière. Là, tout le monde peut être soldat, mais pour une cause. Alors, pour la milice, enfin pour plutôt l'image du soldat, je crois qu'il faut distinguer l'image du soldat qui était négative et la réalité. Car quand on regarde l'armée permanente de l'ancien régime, de Louis XVI, ce ne sont pas, à quelques exceptions près, des parias ou des gens dont la société veut se débarrasser ou des gens qui se mettent à l'abri, si je puis dire, pour 8 ans au moins, puisque c'était l'engagement de 8 ans. Mais pourquoi l'image du soldat était négative ? Parce que, sauf dans les provinces frontalières du Nord-Est, où il y avait des il y avait des casernes. Et ou en tout cas, même s'il n'y avait pas de casernes, les soldats, il y avait des soldats qui logeaient chez les habitants, alors avec parfois des rapports comme dans tout groupe humain. Mais certaines provinces savaient ce qu'était la réalité du fait militaire. Et d'ailleurs, les soldats qui s'engagent dans l'armée de l'Ancien Régime sont en grande majorité issus de ces provinces ou de l'Île-de-France. Mais il y a toute une partie de la France qu'on appellerait aujourd'hui la France profonde, et puis aussi les provinces périphériques qui ont été rattachées au royaume tardivement, enfin, sauf le cas de la Lorraine, qui ne savent pas ce qu'est un soldat et qui en ont donc une image très négative et pour lesquelles appeler un homme un civil destiné à le redevenir, pas un soldat de métier, appeler un homme à porter les armes, surtout en temps de paix, mais c'est quelque chose de barbare, d'archaïque. On parle dans les cahiers de doléances d'impôts. Quant aux élites, elles sont très divisées sur la question, parce qu'elles sont liées au mouvement des Lumières. La guerre paraît un fléau et elles se méfient des armées qui, justement, se battent pour le roi, qui sont en quelque sorte le bras armé d'une monarchie, surtout en France, absolue. Et l'idée, c'est pour ça qu'au départ, les élites n'ont absolument pas prévu la voie vers laquelle va s'engager la France, la voie française vers une armée nationale qui fait appel, pour un temps limité, mais qui peut durer des années, sous Napoléon il durera des années, à des gens qui sont des civils. Mais on les appelle en tant que citoyens. Parce que, en fait, la grande nouveauté de la Révolution, qui est officialisée par la loi de 1798, dont a parlé Odile, c'est le lien que les Français établissent en fonction de leur expérience, qui leur paraît mais impossible à briser entre eux. La conscription, qui est un mode de recrutement, qui avait d'ailleurs été utilisé par certaines monarchies, la Prusse, dans certaines de ses provinces, et la citoyenneté. Et c'est ça qui est important, c'est la citoyenneté, parce qu'il y a cet épisode, je ne dis pas marginal, mais de la milice sous l'Ancien Régime, et puis il y a la conscription à partir de 1798, où l'on prépare des gens pour, au cas où d'ailleurs, devenir militaire. Odile Roynette, c'est vrai que ce moment révolutionnaire avec la notion de citoyen, c'est très important parce que on a entendu le chant du départ. 1792, c'est la République, c'est la bataille de Valmy, c'est Gemap, c'est levé là. Ce ne sont pas des gens qui ont été préparés. Il y a quelque chose qui est, et qui flatte notre patriotisme aussi, qui est très beau. Ça a été beaucoup utilisé par la République. Ils n'ont pas été préparés. Là, c'est volontairement, d'où le nom volontaire, qui monte. Oui, c'est-à-dire qu'il y a cet appel au civisme qui fonctionne peu ou prou d'ailleurs et relativement mal en réalité. Les levées en masse de 1793 sont extrêmement problématiques pour les raisons qu'on vient de décrire, c'est-à-dire que ces hommes ne veulent pas forcément spontanément partir, y compris même dans les provinces qui seraient plus exposées aux invasions. Donc il y a une réticence et en même temps il y a aussi un aménagement, on parle de l'impôt du sang, donc c'est vraiment cette question de la négociation et du consentement à l'impôt du sang qui va se jouer, mais ça fonctionne relativement mal, et sous le directoire en particulier, la désertion est endémique, il y a véritablement de très très très gros problèmes d'insoumission, de désertion, et donc la loi dont nous parlons depuis tout à l'heure, Jourdan d'Elbrel de 1798, elle est là aussi pour imposer une forme de contrainte légale, c'est-à-dire pour enserrer au fond cette jeunesse française, et puis ce modèle va se diffuser aussi ailleurs en Europe, puis dans le monde, pour enserrer ces hommes dans une forme de contrainte qu'ils vont devoir, avec laquelle ils vont devoir s'arranger. Donc il y a une progressive. Et puis il faut pas aussi oublier que cette armée française, notamment dans ces années de transition vers le consulat et l'empire, puis vers le 19e siècle, est une armée. Je ne dirais pas une armée de classe, mais presque. C'est-à-dire que ces conscrits, ce sont les représentants des classes populaires de manière écrasante, et qu'il y a une différence très importante à ce moment-là qui va évidemment s'amoindrir avec la guerre, justement, et avec surtout le consulat, l'empire et même la République auparavant. Cette différence entre les conscrits d'un côté et les officiers de l'autre. Donc on est dans une armée quand même très inégalitaire, qui va le demeurer au fond jusqu'au début du XXe siècle, où le service militaire touche d'abord et avant tout les classes populaires. Et donc on a là un point très très important, parce que évidemment ces hommes, ils savent aussi qu'ils sont là parce que il y a beaucoup dispensés, il y a beaucoup d'exemptés, il y a beaucoup de gens qui peuvent se faire remplacer. Nous allons peut-être en reparler, hein, dans le cadre de la loi Jourdan-Delbrel. La conscription, c'est tout citoyen et soldat, tout soldat et citoyen, mais en même temps très vite beaucoup d'hommes peuvent être remplacés, c'est-à-dire qu'un homme peut faire le service à la place d'un autre homme moyennant une somme d'argent. Hein, donc il y a vraiment ça va aussi beaucoup contribuer à ce maintien d'une répugnance à l'égard du service. Si on s'arrête sur cette loi Jourdan-Delbrel, il y a quelque chose qui est incroyable, parce qu'il faut le dire, c'est pas l'idée de prendre tout le monde, tous les jeunes hommes vont faire leur service militaire, c'est pas ça prévu. Alors, la loi Jourdan-Delbrel, elle dit bien sûr tout citoyen et soldat, parce qu'elle garde ce lien irréfragable entre citoyenneté et devoir militaire. C'est sacralisé par les victoires de la Révolution, d'ailleurs. Parce qu'on estime que maintenant, une armée nationale, enfin, ne peut être nationale et efficace que si, à côté de soldats de métier, que la loi Jourdan-Delbrel, d'ailleurs, continue à constituer, elle constitue l'armée avec des soldats professionnels, mais il faut qu'à côté, il y ait un certain nombre de conscrits. Mais ce ne sont pas, ce qui est universel dans la loi Jourdan-Delbrel et obligatoire, c'est d'être inscrit sur des registres, mais ce n'est pas encore le service personnel obligatoire qui fait que chaque homme, sous la Troisième République en principe, doit partir sous les drapeaux. Comment on les choisit alors ? D'autant, alors, au départ, on les choisissait. Ils étaient divisés en 5 classes d'âge, hein, de 20 à 25 ans, et on prenait les plus jeunes, et la loi Jourdan-Delbrel dit, en temps de paix, on en prend très peu, parce qu'il n'est pas normal qu'un civil soit toujours les armes à la main. Le principe, c'est bien beau, et par ailleurs, alors ceux qui étaient choisis, c'était au départ les plus jeunes, hein, mais très vite, dès la deuxième levée directoriale, et Odile le disait, le tirage au sort et le remplacement, alors qu'ils étaient proscrits, hein, par la loi Jourdan-Delbrel, en tout cas le remplacement, réapparaissent. Le tirage au sort et le remplacement seront officialisés sous le consulat. Voilà, donc je suis un jeune homme en 1798, j'ai 20 ans et ça fait du bien, un peu de fraîcheur d'un seul coup, donc je dois m'inscrire sur le registre. Après, il y a tirage au sort, et c'est là où cette question du remplacement devient intéressante, parce que, donc, tirage au sort, c'est pas tout le monde, mais on pourrait dire, bah, c'est formidable, parce que c'est le hasard, là, oui. Pas de classe sociale, il n'y a rien du tout. Oui. Mais non, parce que c'est dévoyé par ce système de remplacement. Comment ça va fonctionner, dit le Rouanet ? Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a effectivement le tirage au sort, hein, dont vient de parler Annie. Et puis ensuite, il y a tout un système complexe et qui va évoluer dans le temps de dispense et d'exemption. Hein, par exemple, tout le système qui consiste à dispenser ou à exempter des hommes qui sont en train de faire leurs études, les membres du clergé. Enfin, il y a tout un système qui protège aussi d'une certaine façon une partie des élites sociales. Et puis, ensuite, il y a un système de sélection à partir de ces hommes qui sont tirés au sort et qui sont examinés par ce qu'on appelait les conseils de révision. Donc il fallait être apte au service et donc remplir un certain nombre de critères physiques, d'où la question évidemment de la définition de la masculinité par l'armée, par l'institution militaire très tôt, puisque ces hommes sont sélectionnés sur des critères qui vont évidemment être plus ou moins rigoureux selon qu'on est en temps de paix ou en temps de guerre. De même, en temps de guerre et très vite, enfin pas très vite, mais en tout cas sous l'Empire évidemment, Napoléon Ier, on le sait, procède par appel par anticipation et va avoir tendance à aller rechercher de manière de plus en plus systématique les conscrits à l'intérieur de tous les villages donc il y a une adaptation du système entre le temps de paix et le temps de guerre, mais globalement en temps de paix en tout cas, beaucoup d'hommes échappent en réalité au service très longtemps. On va dire que ce système de protection en fait d'une grande partie du corps social, il perdure au moins jusqu'à après 1870-71 et en réalité même jusqu'au début du XXe siècle. C'est vraiment la Troisième République, mais la République véritablement engagée, radicale, socialiste, hein, qui en 1905 véritablement introduit une égalité. Hein, c'est-à-dire que cette universalité n'existe pas. On parle toujours du service militaire obligatoire, mais c'est une obligation matinée en fait de tas de dispenses et qui fait aussi que évidemment le service garde cette image de temps perdu pour une jeunesse active, pour une jeunesse brillante, pour une jeunesse étudiante. Tous ces gens échappent en fait au service militaire pendant très très très longtemps. Oui, parce que c'est du temps de perdu considéré du point de vue de celui qui doit partir et laisser la ferme parce qu'il y a les récoltes, voilà. et c'est bien compliqué. Mais aussi, en temps de paix, du point de vue de l'État, parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde, ça coûterait une fortune. Bah, l'État pourrait pas. C'est pour ça qu'en temps de paix, on ne prend qu'une petite partie, d'où le tirage au sort d'une petite partie. On se fait remplacer si ça va pas. On va voir un bourgeois, on lui dit « t'as tiré un mauvais numéro, bah, je te remplace et tu me donnes de l'argent ». C'est un peu ça en fait. Mais c'est légal. Oui, tout à fait. Il faut donc bien préciser que pendant longtemps, le contingent, c'est un mot qu'on a beaucoup employé pendant la guerre d'Algérie, mais qui correspond à la réalité dès la loi Jourdan-Delbrel, la loi qui fonde la conscription, c'est pas du tout la totalité des cinq classes, hein, loin de là. Alors, bien sûr, Napoléon va puiser très largement, moins au début. Il y a une légende noire de la conscription napoléonienne qu'il faut nuancer, parce qu'au départ, le premier consul, et je dirais même l'empereur, pendant les premières années, demeure mesuré. Et après, bien sûr, la machine conscriptionnelle s'emballe, ce qui contribue d'ailleurs, en 1813, après la campagne de Russie, pour faire les effectifs, et là, on peut dire que... le système est, si j'ose dire, délirant. Ben, ça tombe bien, le conscrit de 1813 est avec nous. Il partira fort. Parce que ces guerres nous regardent, nous. Le curé lui-même a dit que c'était trop fort à la fin. Et qu'il fallait qu'on fasse la paix. Tu resteras. Pleure pas, Catherine. Je te dis qu'il va rester. Voilà longtemps que ce grand carnage me dégoûte. Il a déjà fallu que nos pauvres cousins aillent se faire caser les os en Espagne pour cet empereur. Et maintenant, il vient encore nous demander les jeunes. Il n'est pas content d'en avoir fait périr 300 000 en Russie. Au lieu de songer à la paix comme un homme de bon sens, il ne pense qu'à faire massacrer les derniers qui restent. Et bon, on verra. On verra. Vous parlez plus bas, on pourrait vous entendre. Nous serions tous perdus. Eh bien, je parle pour qu'on m'entende. Ton Napoléon ne me fait pas peur. C'est en 1970 l'adaptation radio-diffusée de l'histoire d'un conscrit de 1813, un ouvrage d'Émile Erckmann et d'Alexandre Chatrian en 1864. Et ce conscrit de 1813, il est très intéressant parce que la conscription en soi, c'est une partie de la jeunesse qui est mobilisée. Enfin, voilà, elle se prépare éventuellement s'il y a un combat. Mais en temps de guerre, la guerre éclate. tout est modifié. C'est-à-dire que dans le cas de l'Empire, on va gratter un petit peu plus et toujours plus loin, on fait venir de plus en plus de monde. Ah oui, on considère que... Enfin, c'est considérable quand même. Les levées de l'Empire, c'est environ 2 millions d'hommes hein, qui ont été quand même happés par le système militaire et par la confrontation quand même à partir de 1804 avec une systématisation hein, de la confrontation à la guerre. Donc, des armées de masse qui par ailleurs recrutent aussi sur des territoires qui sont agglomérés à la France, donc les Rhénans, les Toscans, les Génois, donc avec les Belges, les Hollandais. Il y a vraiment donc en fait cette grande armée en particulier qui va s'élancer à partir de 1804 du camp de Boulogne pour aller combattre sur les champs de bataille d'Austerlitz, de Iéna et autres. C'est une armée en fait qui n'est absolument pas nationale au sens traditionnel. Donc 2 millions d'hommes jusqu'en 1815, à peu près 900 000 tués. Donc c'est évidemment ces chiffres vont ensuite et cette réalité-là va ensuite contribuer à alimenter la légende noire du premier empire qui a été bien travaillé par les historiens, mais c'est vraiment une épreuve de masse. Et ce qui est très intéressant dans le texte d'Erckmann et Chatrian justement que vous avez passé, hein, le document que vous avez passé, c'est un roman en effet qui paraît sous le Second Empire. Et là, on n'est plus du tout, on est à la fois dans la continuation de l'Empire, mais on est en même temps dans une société qui aspire à la paix, qui regarde son armée, qui est une armée toujours de conscription, mais qui en même temps la regarde avec une certaine distance, et qui surtout, on le sent bien dans le texte du conscrit 1813, rejette au fond cette guerre. Hein. Il y a un pacifisme extrêmement important, bon, qui vient contrecarrer la propagande militariste du Second Empire par ailleurs, hein, la propagande patriotique considérable du Second Empire, la restauration des symboles, je parlais tout à l'heure du drapeau, la restauration de l'aigle, hein, puisque l'aigle c'est le symbole du Premier Empire, mais ça revient en 1852, et donc il y a une sorte de, d'un côté une valorisation des victoires du Second Empire, etc., et de l'autre, une société civile qui fonctionne à fond sur le remplacement, qui en gros accepte de donner en gros un peu moins d'un tiers hein, du contingent dont parlait Annie tout à l'heure est véritablement envoyé sous les armes. C'est une sorte de négociation en fait assez subtile qui s'opère entre la société civile et la société militaire. Oui, c'est passionnant hein, d'entendre ce décalage entre le papier, le décret et la loi et puis la réalité, Annie Crépin. J'ajouterais, Odile, pour le remplacement, que sous Napoléon Ier, Napoléon Ier ne voulait pas de marché d'hommes et donc les conditions pour être remplaçant étaient strictes ou pour être remplacé étaient strictes. Et puis, sous les régimes suivants, là c'est la loi du marché parce que des compagnies, mais qui sont de véritables entreprises au sens moderne du terme, se forment pour mettre en contact les remplacés et les remplaçants, d'autant plus qu'il n'y a pratiquement plus de conditions. Cela dit, ces compagnies sont en concurrence. Donc les prix, car c'est à prix d'argent, les prix du remplacement baissent. Et on est étonné que finalement des gens d'un milieu assez modeste se font remplacer. C'est pas seulement les élites, c'est pas seulement la bourgeoisie. Et je vais me permettre de donner des exemples personnels de mes ancêtres. Il se trouve que Donc, c'était des charpentiers, donc des gens quand même modestes. Ils se sont endettés. Le père a été tiré au sort sous la monarchie de Juillet. Et c'est quelqu'un qui était, enfin, je l'ai su par d'autres papiers, républicain. Donc, il ne voulait pas combattre, enfin, ou en tout cas partir sous les drapeaux d'un régime. Donc, il a acheté un remplaçant. Il s'est endetté pour sa vie. Le fils, même topo sous le Second Empire, je dirais encore pire, puisque républicain, il est surveillé par la police. Enfin, ils habitaient le Loiret. Il se fait remplacer, et là aussi, il s'endette. Et là, ce n'est pas par pacifisme, puisque quand la Troisième République est proclamée, elle est en guerre avec l'Allemagne, elle continue la guerre, enfin avec la Prusse, il s'engage volontairement dans, je crois que c'est la première ou la deuxième armée de la Loire, je ne sais pas, enfin il participe au combat près d'Orléans. Et là c'est volontaire. C'est intéressant, oui. Hein, c'est dans le Loiret, et oui. C'est-à-dire que deux générations ont tiré les mauvais numéros. Il faut faire gaffe chez les crépins, il ne faut pas jouer au loto. Ah mais c'est pas les crépins, c'est mon mari. C'est votre mari, ben voilà, donc ça c'est dans votre côté à vous, Annie Crépin. Oui, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, conscription, mobilisation et pourquoi pas désertion. France Culture, vous pourrez dire à l'empereur que la République ne met en le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Alors ici, nous sommes dans une réflexion sur la conscription. Il y a ce mouvement patriotique des années 1792-94, donc alors là, c'est la révolution, on y va. La loi de 1798... Mais en fait, elle fixe la conscription, mais elle profite de cet héritage un petit peu fantasmé, tout le monde qui arrive. Et puis, il y a ce moment de l'Empire où il y a la conscription, et vous nous l'avez dit, Odile Roinette, des gens qui viennent d'un peu partout. Si bien qu'on ne retrouve plus ce sentiment patriotique qu'il y avait sous la Révolution. Est-ce que cela aussi, et ça c'est toutes les études de guerre, ils sont nombreux à avoir fait des études de guerre, hein, Clausewitz et tant d'autres, de dire que le succès de la Révolution, et peut-être des premiers temps de Napoléon, c'est que cette conscription correspondait au patriotisme. Quand les deux sont liés, il peut y avoir un effet très bénéfique. Quand la conscription ne correspond plus à la volonté de défendre un pays, ça ne marche plus du tout. Oui, c'est-à-dire que Napoléon, Bonaparte, est au fait dans cette intersection, c'est-à-dire que lorsqu'il commence à devenir ce qu'il va être, il combat dans les armées de la République, il part en Italie, c'est là que se crée au fond au moment de la campagne d'Italie, et c'est lui qui met en place à la fois cette adéquation entre d'un côté le patriotisme dont on parlait, un patriotisme qui va perdurer, et puis aussi cette militarisation au fond de ses forces, cette prise en main au fond de la ces armées de conscrits, cette militarisation, cet encadrement de ces hommes, cette discipline aussi beaucoup plus importante. C'est au moment du Directoire, par exemple, qu'on voit arriver les réformes importantes de la justice militaire. On parlait de désertion, mais la justice militaire, dans sa dureté et surtout dans la définition de sa spécificité, de son fonctionnement des conseils de guerre, ça date du Directoire. De même, Napoléon utilise beaucoup la question de l'esprit de corps. D'où j'y reviens, cette question du drapeau. Donc on valorise énormément l'identité des régiments, l'identité militaire des régiments, la concurrence entre les régiments. Il y a un contrôle disciplinaire beaucoup plus important, qui fait aussi que il y a à la fois cette volonté de participer à la grande aventure militaire, parce qu'il y a aussi ce discours selon lequel la guerre serait une forme d'aventure, et de fait elle elle en a un certain nombre de caractères. Et puis de l'autre côté, il y a le contrôle de l'institution militaire qui se renforce progressivement et qui va se durcir au cours du 19e siècle. Oui, parce que c'est une histoire avec une chronologie qui repose sur des lois. On pourrait toutes les faire, mais ce n'est pas très intéressant de faire la chronologie des lois. 1818, la loi Gouvion-Saint-Cyr, etc. Et puis on arrive à la fin du siècle avec la loi Freycinet. C'est pas tant ça qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture. C'est plus une réflexion sur ce que ça veut dire être mobilisé. Et puis d'un seul coup, la guerre éclate. Que deviennent ces gens? Parce que dans l'idée de conscription, il y en a, ils font leur service, il n'y a pas de guerre. Donc ils sont juste entraînés. La rupture apparaît quand? C'est-à-dire qu'on peut envoyer un conscrit en temps de guerre directement ou il doit être formé avant? On peut l'envoyer tout à fait directement, même pendant la République. Les conscrits étaient formés dans les petits groupes qui marchaient vers la caserne. C'est-à-dire que l'instruction était absolument minimale et ces hommes étaient envoyés en fait dans combattre, revêtus de manière très rapide et parfois très très difficilement d'un uniforme. Et en fait le début de l'acculturation à la vie militaire se passait énormément dans les marches considérables que ces hommes accomplissaient pour aller d'un point à un autre. Quand on pense, par exemple, aux très très longues marches que ces hommes ont accomplies du camp de Boulogne, où là, par contre, ils avaient une instruction militaire, ils ont reçu une instruction, c'est un des moments, justement, où l'instruction militaire est vraiment faite, jusqu'au champ de bataille, jusqu'au Rhin, jusqu'à Austerlitz, etc. Donc, c'est des centaines de kilomètres que ces hommes parcouraient ensemble. Et c'est là, en fait, que se nouait se passait cette espèce de au fond d'acculturation à la vie militaire, le fait de forger l'esprit de corps, de forger la camaraderie, de forger l'entraide et aussi de souffrir ensemble. Puisque il y a la dimension évidemment de la masculinité, il y a cette dimension de la souffrance dans ces marches qui sont des épreuves de force et qui vont continuer très très longtemps, puisque avant l'introduction des chemins de fer et même au-delà de l'introduction des chemins de fer, ces hommes marchent vers les combats. Ils marchent beaucoup. Sous le Second Empire, par exemple, ils traversent la France entière pour prendre les bateaux à Marseille et à Toulon, pour aller en Italie, pour aller en Crimée, etc. Oui, Napoléon a gagné ses victoires grâce aux pieds de ses soldats. Dites-nous, Annie Crépin, vous êtes maîtresse de conférences honoraires à l'Université d'Artois. Vous avez écrit cette histoire de la conscription. Et nous l'entendons, il y a un phénomène alors qui évolue sans cesse. Le temps de l'épopée napoléonienne du Premier Empire est un temps particulier avec énormément de guerres. Durant tout le 19e siècle, la France est en guerre. Pour regarder le cas français, il y a une guerre d'Espagne en 1823. Il y a évidemment la guerre en Algérie, la colonisation. Et puis la guerre de 1870, alors, il y a plein de guerres, la Crimée, etc. Est-ce que la conscription est quelque chose qui joue un rôle important ici ou est-ce qu'on envoie une armée de métier plutôt tout ce temps-là? Alors, la France ne veut plus dire qu'elle a une armée de métier parce que c'est lié à la monarchie absolue, de droit divin. Donc, même les gens qui, par exemple, sous la monarchie de Juillet, des orléanistes, partisans d'une monarchie, sont partisans d'une monarchie constitutionnelle, ils ne veulent pas revenir sauvetière à l'armée de métier. Il y a toujours l'idée, et qui guide d'ailleurs toutes les lois que chaque régime fait voter, qu'à côté d'un cadre de gens professionnels, de soldats, d'officiers de métier, il doit y avoir des conscrits. Même si c'est en très faible nombre, sous la Restauration, qui, à part l'expédition d'Espagne et l'expédition de Grèce, sont un temps de paix. Dans les années 1820. La monarchie, alors il y a, à partir de la fin de la Restauration et sous la monarchie de Juillet, il y a la conquête de l'Algérie, mais on peut dire que la France est en temps de paix. On garde quand même l'idée, même si le contingent est très faible, sous la Restauration, c'est le sixième au départ d'une classe, le cinquième, le quart, sous la monarchie de Juillet, c'est du quart au tiers, Alors, le Second Empire, bien que Napoléon III ait dit l'Empire, c'est la paix, enfin, ça a été la guerre. Là, il y a un retour de la guerre. Le contingent passe du tiers à 48%, parce qu'il y a des guerres. Mais officiellement, on n'a pas d'armée de métier, même si, de fait, l'armée française du XIXe siècle a beaucoup de caractère de l'armée de métier, dans la mesure où la durée du service est très longue, eh ben les conscrits qui se sont engagés, ou même les remplaçants, ils se réengagent. Et ils deviennent ce qu'on appelle des vieux soldats, ce qui est d'ailleurs assez péjoratif, parce que ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément très compétents. Oui, et puis on peut rappeler, cette durée de service, c'est extrêmement long. C'est extrêmement long et c'est une longueur qui est pensée comme un facteur aussi, il ne faut pas l'oublier, d'ordre, puisque cette armée du XIXe siècle, encore jusqu'à au moins l'entre-deux-guerres, est une armée qui maintient l'ordre dans tout le territoire. Et donc, il faut aussi que ces hommes soient en permanence loin de chez eux, loin des réseaux familiaux, qu'ils puissent éventuellement maintenir l'ordre, et ils maintiennent l'ordre. Il ne faut pas oublier que cette armée de conscrits, c'est cette armée qui réprime juin 48, qui réprime l'immense insurrection quand même contre le coup d'État du 2 décembre 1851, et c'est elle qui va être aux premières loges dans la répression de la Commune. L'idée aussi que il faut absolument que ce service militaire soit long, qu'il soit... Bien sûr, on a une armée de conscrits, mais ce sont des hommes qui restent sous le Second Empire, 7 ans sous les drapeaux, et qui, d'une certaine manière, rentrent dans une autre vie. Donc, il y a il y a une partie de ces hommes qui restent dans l'armée, qui se rengagent ensuite, une partie de ces hommes qui restent dans les villes, donc qui coupe avec le milieu d'origine qui était le milieu rural essentiellement, puisque ces conscrits sont des ruraux. Donc ça, c'est sans doute ce qui va vraiment changer après 1870. C'est ce rapport avec la nation qui est on a un système très ambigu au fond jusqu'en 1870, où on maintient effectivement une armée de conscrits. Les conscrits vont combattre un peu partout, mais en même temps, ils sont professionnalisés. Et ils sont regardés aussi par les civils comme des hommes qui sont rentrés dans une autre dimension. 6 ans, 7 ans, c'est long. Et puis, il y a le lieu, la caserne, bon pour le service, la caserne à la fin du 19e siècle, dit le Roinette, ça c'est votre ouvrage, parce qu'il y a ce lieu particulier de la caserne, mais tout ce que nous évoquons ici, cette durée de service, le tirage au sort, on comprend, on tire le mauvais numéro, on n'a pas l'argent pour acheter un remplaçant, on se dit, j'en prends pour 7 ans, au revoir ma chérie, au revoir papa, au revoir maman, c'est quelque chose de très fort. Au revoir patron aussi. Au revoir patron aussi, oui. Et oui, il n'y a plus rien, ça prend fin quand? Alors, c'est un glissement très progressif. En gros, il y a une première grande rupture, plus exactement une grande étape qui est l'après 1870-71, donc où là, la République conservatrice, la République ultra-conservatrice même, celle qui a réprimé la Commune, met en place un système de service qui reste encore très très long, mais pour une toute petite partie du contingent, 5 ans, et l'autre partie fera 1 an seulement. Donc vous voyez, on est dans la recherche d'un compromis, mais ce compromis, il est pensé comme il est fait pour rendre acceptable une contrainte qui ne l'est pas ou qui l'est très difficilement. Et donc on a toute une série de systèmes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, progressivement, ensuite c'est 1889 avec un service beaucoup plus égalitaire de 3 ans, et c'est vraiment la loi 1905 dont je parlais tout à l'heure qui universalise ce service et qui, par ailleurs, va créer, évidemment, des problèmes considérables à l'intérieur de l'armée, puisqu'elle va créer, au fond, elle va ouvrir ses portes à l'ensemble de la nation, et du coup, l'ensemble des citoyens, y compris des jeunes bourgeois, vont être amenés à découvrir ce que c'est que cet univers avec lequel ils ne sont pas du tout en communion, on va dire. Et après le 1905, quand la conscription devient vraiment généralisée, ça c'est un peu ce qu'on connaît nous dans notre imaginaire du service militaire, bien sûr. Il y a des surprises, mais c'est l'occasion de se faire des potes. Quand je suis parti avec ma classe pour venir y faire mes 3 ans, cousin m'a dit, il y a le fils Bidas qui va dans le même régiment. Tu devrais faire sa connaissance. J'ai fait ce que m'a dit le cousin. Et depuis que je sers la France, Bidas, c'est mon meilleur copain. Quand on n'a pas eu de punition, on a chacun sa permission. Ah, avec l'ami Bidas, on se quitte jamais. Attendu qu'on est tous deux natifs d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. On a chacun la sienne et les bras ballants devant les monuments. Dans les rues, on se promène, ça nous fait passer le temps. Fernandel, l'ami Bidas, créé en 1913, c'est vraiment cette figure, la figure du Bidas, c'était par Bach en 1913. Dites-nous, si l'on se projette dans l'actualité par rapport à cette question-là, parce qu'aujourd'hui la France n'a plus de service militaire, c'est le début du 21e siècle, c'est le président Chirac qui a supprimé tout cela. Pourtant, l'actualité surgit soudain avec des mots que nous avions complètement oubliés, de mobilisation partielle, c'est le cas lors du conflit, l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Dites-nous, Annie Crépin, quand vous voyez cette mobilisation, ces soldats pas préparés ou qui ne veulent pas partir, vous retrouvez des éléments de votre histoire de la conscription ? D'une certaine façon, par exemple, pour la conscription napoléonienne, puisqu'on a dit que l'enjeu, quand il y a une guerre, c'est la défense du territoire national. Et quand il n'y a plus cet enjeu, cette défense du territoire national, le sens est perdu. Ce qui explique d'ailleurs que le directoire, qui était encore en guerre avec l'Autriche et l'Angleterre, mais la première coalition avait été vaincue par la République, les soldats, on ne disait pas encore les conscrits, on attend la loi de 98, ils ont déserté avec cette en masse, avec cette précision que, alors et encore au XIXe siècle, la désertion, ce n'était pas déserter chez l'ennemi, on revenait chez soi. Pendant la conscription napoléonienne, il y a des régions qui, effectivement, l'actualité fait penser à ces régions, mais il faut aussi se garder, bien sûr, il n'y a pas de légende dorée de la conscription, mais la légende noire qui fait croire que partout en France et tout le temps, les gens se sont rebellés, ce n'est pas vrai. Il y a des régions qui sont très difficiles, au dire des préfets, où il y a des rébellions, des émeutes où tout le village met en tête, lutte contre les gendarmes qui viennent chercher les conscrits. Et ça durera encore après la conscription napoléonienne en pleine paix. Mais il y a des régions où ça marche, des régions c'est ordinaire, et des régions où ça marche très bien. Et par exemple, on a parlé de 1813, mais je vais terminer là-dessus, en 1814, où le territoire national est envahi, en Seine-et-Marne, que j'ai étudié, qui a été une bonne région conscriptionnelle. Alors en 1813, faute d'hommes d'ailleurs, ça n'a pas marché. Mais en 1814, la levée des conscrits marche très bien parce que la Seine-et-Marne connaît sur son territoire la guerre. Odile Roinette, il y a une histoire qui évolue énormément de la conscription. C'est toute cette nuance qui est passionnante à étudier avec des lois différentes. Malgré tout, il reste une ligne directrice. C'est un homme qui quitte son vécu. C'est ça aussi qui est la lecture qu'on peut avoir de la conscription. Oui, oui, c'est... Alors, juste sur la situation de la Russie actuellement, parce que je trouve que c'est extrêmement, extrêmement passionnant ce qui se passe, parce qu'effectivement, on a un pays qui a conservé le service militaire, hein, mais un service militaire qui était regardé comme une terrible épreuve hein, par les Russes. Hein, c'est-à-dire que... Et là, on est face à une société qui est sollicitée par un pouvoir pour prendre... ces hommes, et pour aller les faire combattre, alors qu'il ne s'agit plus, comme Annie vient de le dire, de défendre le territoire. On n'est plus dans la Grande Guerre patriotique de 1941. Donc c'est, et la, surtout la brutalité du service militaire en Russie est terrible, hein. Là, en particulier les pratiques de bizutage, hein, ce qu'on appelle la dedovshchina en Russie, c'est-à-dire la loi des grands-pères. Hein. Qui est ce système de brutalisation hein, des conscrits. Ça constitue une très très grande peur pour les Russes aujourd'hui, je pense, indépendamment du risque de la mort. Hein, donc, mais j'ai oublié un tout petit peu la question que vous m'aviez posée. Non, mais c'était ça, c'était de dire les gens qui sont pris par la guerre, voilà, c'est ce vécu-là qui est un peu au-delà d'un moment circonstanciel, qui est le trait continu de cette histoire-là. La conscription. C'est le déracinement, c'est la et tout ce que ça implique, et c'est la peur de la mort. Elle est absolument présente à partir du moment où on prend les armes. Donc il y a ce rapport aussi à la question de l'arme et le départ pour la bataille. Merci vivement à toutes les deux, Annie Crépin, Histoire de la conscription, et vous, Odile Roinette, Bon pour le service, la caserne à la fin du 19e siècle. Merci à toutes les deux, on retrouve tout de suite. Bah lui, il est bon pour le service du pourquoi du comment, c'est Gérard Noiriel. Comment faire l'histoire des acteurs au Moyen-Âge ? Même si les pratiques théâtrales étaient fortement valorisées dans la société médiévale, le théâtre, au sens actuel du terme, n'existait pas à cette époque. Aucun lieu n'était spécifiquement consacré à l'art dramatique et, sauf exception, les pièces jouées sur une scène n'étaient pas transcrites par écrit dans des livres. C'est sans doute ce qui explique que la recherche historique ait négligé cette dimension de notre histoire sociale. Pendant longtemps, les médiévistes se sont surtout intéressés à quelques cas emblématiques de comédiens qui étaient aussi des auteurs. Le plus célèbre d'entre eux s'appelait Adam de la Halle. Né à Arras vers 1235-1237, il fit des études à Paris pour devenir maître S-art. Il rejoignit ensuite la confrérie des jongleurs et bourgeois d'Arras, une corporation pour laquelle il écrivit son célèbre jeu de la feuillée en 1276. Vers 1280, il fut admis à la cour de Robert II, comte d'Artois, qui était le neveu de Saint-Louis. Il le suivit en Italie avant de rejoindre la cour de Charles d'Anjou, le roi de Naples et de Sicile. Des recherches récentes ont néanmoins montré que l'itinéraire d'Adam de la Halle n'était pas du tout représentatif du monde des acteurs au Moyen-Âge. À cette époque, en effet, la pratique du théâtre n'était pas un véritable métier. D'où l'extrême diversité des profils de comédiens qui pouvaient être artisans, bourgeois, étudiants, moines, clercs de justice ou chanteurs. La plupart d'entre eux ne se contentaient pas de jouer des pièces. Ils devaient aussi maîtriser les autres fonctions de l'art dramatique. Ils étaient également auteurs, musiciens, techniciens, charpentiers, etc. Une autre caractéristique du théâtre médiéval tient au rôle essentiel joué par la religion chrétienne. À une époque où la grande majorité des gens du peuple étaient illettrés, l'art dramatique était un moyen privilégié pour transmettre les enseignements de la Bible. Le meilleur exemple est celui des représentations du mystère de la Passion. Depuis la fin du XIVe siècle, elles étaient confiées à la célèbre confrérie de la Passion et Résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette association de bourgeois entièrement dévoués à la cause dramatique avait été reconnue par le roi Charles VI en 1402 par des lettres patentes qui lui octroyaient le monopole des représentations de la Passion dans Paris. On touche ici à un autre aspect très important mais encore mal connu des pratiques théâtrales au Moyen-Âge, leur codification par le droit. D'une façon générale, les accords passés avec les corporations ou confréries théâtrales illustrait deux types de contrats de travail. Pour les représentations de ce qu'on appelait les mystères, qui mettaient en scène les grands sujets religieux, l'accord passé entre les acteurs et les autorités municipales ne portait que sur un projet précis. Mais il arrivait aussi qu'un petit nombre d'acteurs, 4 ou 5 le plus souvent, soient engagés par les autorités en place pour jouer différents spectacles pendant une durée déterminée. Ce fut le point de départ d'une organisation du monde théâtral par troupe, même si l'usage de ce mot est anachronique pour l'époque médiévale. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Sam Bakiast avec aujourd'hui à la technique Jacques Azubert. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter et podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France. Et merci aussi à toute l'équipe du cours de l'histoire.